Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Force de l'ordre, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le terrorisme qui nous habitue à voir patrouiller des soldats armés dans les rues. Il y a la police qui a le droit de faire usage de la force, les manifestations qui dégénèrent en affrontements et un lanceur d'alerte qui compte les blessés. Alors pour commencer, les personnages. D'énergique pessimiste Poitevin, un vieux copain de vadrouille, une éditrice qui dit oui, un journaliste qui fictionne mais qui croise ses sources, une vieille copine organisée et un collègue admiratif. Ensuite le décor. Dada, le punk, le rap, des fanzines, des radios libres, la réalité, des tags, la solitude, des cris, des interpellations, des nuits sans sommeil et des trahisons. Aujourd'hui, 3e épisode, on pose un disque sur la platine. Joe, we're gonna have your name on screen. Would you like anything under your name? Would you like Mascalero? The Clash or anything like that? I'd like you to write punk rock warlord, with warlord being one word. What, Brian? I want a riot, what riot, a riot on my own. What riot, I want a riot, what riot, non, par exemple, a riot on my own. Non, non, si, si vous voulez me connaître, c'est ça. Allo Place Bobo, Dave Duff, lanceur d'alerte. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Il l'a vraiment, quoi. Il l'a vraiment conservé, cette attitude. Il a toujours cette insatisfaction, cette rage, cette envie de participer, comment dire, je veux dire un peu plus poussement, à la marche du monde. Quoi. En mai 68, j'ai un mois, ma mère me met dans le tiroir d'une commode pour aller manifester. Ben oui, parce que pour pas que je bouge, quoi. Donc elle descend. Elle va lancer un ou deux pavés, j'imagine, et elle remonte. Bon, voilà. C'est en ça que, par exemple, je suis un enfant de 68. Et je le revendique. Un parcours précoce pour David Dufresne. Bien sûr. Puisqu'il débuta à l'âge de 13 ans. Je suis un enfant du plaisir. En 1981, par une émission de rock sur une radio de Poitiers, sa ville natale, pour ensuite se lancer dans l'édition d'un fanzine qui restera célèbre tant qu'il y aura du rock. Arrivé à Paris en 87, après 15 numéros du Dizine, il ne tardera pas à rencontrer l'équipe de Bondage qu'il rejoint pour monter son propre label Stop It Baby Records. À l'époque, quand je suis ado, je fais un autre fanzine. Comme je suis tout seul à faire ce fanzine, j'ai plein de pseudos et l'un de mes pseudos, c'est Provokeman. Donc, c'est ridicule aujourd'hui, on dirait Goldorak, mais bon, les enfants, c'est l'époque. Hein. On est en 84. Provokeman. Alors d'où je viens, voilà, ici c'est mon ordinateur. Je vous accompagne jour et nuit, pareil. Hein. Et toujours pas loin de hélas, vous. Hélas. Donc il y a différents autocollants. Ici c'est Hugo Ball, Dada. Moi je viens de là, Dada. Ça c'est les Thugs, groupe punk d'Angers. Ça, c'est Space Invaders, c'est les jeux vidéo dans les années 70. Bon, alors là, il y a cet autocollant qu'on m'a donné dans une manifestation, la République Bénalanière. Ici, il y a un autocollant sur la Commune de Paris, etc. Bon, en gros, moi, je viens de l'énergie, voilà. De l'énergie punk, de l'énergie du rap. Mon premier bouquin, en fait, c'est un bouquin sur le rap. Un gros bouquin qui devait être un hors-série de Combo, qui était la revue que je faisais avec Yannick, Bourg. Et en fait, on n'avait plus d'argent, donc on est allé voir Ramsey. Et c'est donc un gros, gros bouquin sur l'histoire du rap. This is a test of the Boogie Down production Prevention Against Sucker MCs. In the event of a real emergency, you would have been instructed on which jams to play and how loud to blast your radio. Hip hop was breaking, spray painting full train cars. DJs cutting MCs was instant ghetto stars. I was from the Bronx. On est en 91, donc IAM a sorti une cassette, les NTM, un maxi, ça c'est pour la partie française, mais moi je m'intéresse à l'époque surtout au rap américain du début. Voilà, donc au fond, à 14 ans, je rentre dans une radio libre. Et je décrète que comme les radios libres deviennent des radios locales privées et que la publicité est autorisée, je décrète que c'est terminé les radios libres. Et donc je vais faire mon fanzine. Et ça m'a jamais quitté. Cette idée de me précipiter dès qu'il y a un mode d'expression possible, d'y aller. Ce qui m'intéresse d'ailleurs dans le rap et dans le punk, c'est le rapport à la police. Donc, je voulais vous faire écouter Clash pour vous répondre à votre question d'où vous venez. Police on my back. Cette chanson. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la police aux trousses. Police on my back. C'est marrant parce que ça, c'est Ziad Ebouna. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la police à ma trousse. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire écouter d'autre? Alors, ça c'est le morceau que les NTM. NTM, police. Ça, ils m'ont chanté a cappella dans le commissariat. C'était pas encore sorti. J'ai la cassette quelque part. Évidemment que derrière la provocation, il y a une façon de remettre la réalité à sa place. Voilà. Et les NTM, à ce moment-là, c'est ça. Il faut organiser le pessimisme. C'était une phrase d'un dadaïste français, Pierre Naville. Et c'était vraiment presque notre mot d'ordre. C'est organisons le pessimisme. Le monde va mal, ça on le dit depuis très longtemps. Nous on va pas bien, mais c'est pas une raison pour se laisser aller, quoi. On va pas se laisser aller. Et cette noirceur qu'on peut ressentir, et nous, est-ce qu'on aime? Est-ce qu'il y en a? Mais par contre, il faut qu'il y ait de l'énergie qui va avec. Il faut pas que ça soit de la défaite. Il faut que ça soit un truc qui va de l'avant et qui soit combatif. David était très mûr. très mature, quoi. C'est un mec. Enfin, quoi. Quand j'avais 18 ans, moi, 18 ans, j'étais niais. J'étais niais. Lui, il l'était pas. Il l'était vraiment pas. Il était vraiment structuré depuis longtemps. Et donc, il y avait cette volonté. Ouais, de pas se laisser abattre. On va pas se laisser abattre. Alors, le choc vraiment, c'est Public Enemy, 1989. Il y a quelque chose d'énergisant, absolument extraordinaire. Enfin, Chuck D, c'est quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, Chuck D, quand je lui donne mon bouquin, il me prend dans ses bras. C'est drôle, je suis hyper ému en fait en parlant de ça. Parce qu'en fait, ils sont en couverture du bouquin. Et il y a toujours eu ce rapport étrange. La France, l'Europe, a toujours reconnu la sous-culture américaine avant l'Amérique. Le jazz a acquis ses lettres de noblesse en partie à Saint-Germain-des-Prés. Et le rap, de la même manière, vraiment, je me souviens de Chuck D, ça se passe à Manhattan, c'est la première fois que je suis à New York, je lui donne mon bouquin, il est en couverture, il me prend dans ses bras, j'en viens pas, alors qu'il est en train de montrer à sa mère, je vous jure que c'est vrai, des photos de sa tournée européenne. C'est quand même incroyable. Non, ce que j'aime, moi, c'est l'énergie, c'est déjà de l'hypertexte, hein, le sample, qu'on va découvrir quelques années plus tard. C'est-à-dire que là, il y a un rapport à la langue qui est invraisemblable. Et moi, je vais être extrêmement marqué par mes rencontres avec les suprêmes Nique ta mère. C'est-à-dire que on va même se retrouver en garde à vue ensemble, tout près d'ici, là, au commissariat du 14e. Chaque fois, je le salue. Pour une sombre histoire. Donc à ce moment-là, je travaille pour un journal de musique et je dois les suivre en tournée. On doit partir à Angoulême et c'est la grève des trains. Et le train arrive avec 2 heures de retard, etc. Tout le monde se précipite dans le wagon et un monsieur bien mis s'assied de manière ostentatoire sur la pile de disques de détonateur S, le DJ de l'époque des NTM. S'ensuit une petite prise de bec, pas terrible, et les policiers arrivent. Le monsieur dit non, bon, c'est de ma faute, etc. Mais un des policiers reconnaît Joey Starr, et il dit à Joey Starr, mais c'est pas vous qui avez dit à la télé qu'on avait les têtes de gorée ? Et Joey dit si. Donc on a passé 4 heures en garde à vue. Moi je les ai suivis, c'est-à-dire je me suis retrouvé avec eux. T'as le toucher nique ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher nique ta mère, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher nique ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. Ah mais moi je fais pas, je chante, je compose à la guitare, mais je joue tellement mal qu'on m'a fait comprendre que ça serait mieux si je jouais pas de la guitare en même temps. Ce que je comprends parfaitement. Et comme on a un excellent guitariste, c'est préférable que lui tienne la partie. Comment tu t'appelles, maison ? Le vieux flingue. Le vieux flingue, c'est notre nom. Vous connaissez depuis quand, David ? Alors, David, on se connaît, alors très précisément... Oh, ça fait plus de 30 ans maintenant. Ça fait plus de 30 ans. Et la première rencontre, bah, ça a été, ouais... Si le coup de foudre amoureux existe, je pense qu'on est un peu l'incarnation de ça. Une sorte de prédestination à se rencontrer et à se trouver, quoi. Un hasard objectif qui était assez lumineux, assez beau. Moi, je viens des arts graphiques, de la bande dessinée, et j'étais toujours passionné en parallèle par le rock'n'roll. Et puis il y a le dessinateur David B qui a fait l'Ascension du Haut-Mal, qui était un ami des arts appliqués et qui comptait à l'époque, avant l'association, monter une revue il se serait appelé Macadam. Et j'avais repéré donc un fanzine qui s'intitulait « Tant qu'il y aura du rock », qui s'intéressait à tout ce qu'on appelle « rock'n'roll garage » des années 60. Et j'avais vite compris que sous les diverses signatures, a priori, c'était grosso modo la même personne, quoi. Et donc on s'est donné un rendez-vous dans son petit studio derrière la poste du Louvre, en début d'après-midi. Et puis on commence à discuter, comme on le fait là, je dirais. Et puis très vite, on oublie l'interview. Mais vraiment l'interview, on s'en fout. On discute. Et puis le temps passe, on discute toujours. Et puis finalement, il est minuit. Et on n'a toujours pas épuisé notre conversation, nos échanges. Donc on se dit, dès le lendemain, on se revoit, quoi. Et dès le lendemain, on se revoyait, on s'appelait. Et pendant 10 ans, on s'est vu tous les jours. Ou si c'est pas tous les jours, on s'est pas quitté. Vous arrivez à le voir de temps en temps ou pas? On se voit maintenant en général une fois par an l'été, parce que sa maman habite Cahors. Donc c'est à 60 bornes d'ici et on se retrouve à Montcuq, là où a vécu Nino Ferrer, où il s'est suicidé. Et il y a un très bel étang où on peut se baigner, donc en général on se retrouve là, ça nous fait chacun 30 bornes à faire. Mais voilà, David, c'est plus compliqué pour lui, ses perspectives à court, à moyen terme, il ne sait pas trop, ça se bouscule beaucoup, donc c'est pas facile, quoi. C'est un feu follet. Elle est pas bonne, la première phrase. La première phrase, elle est pas de moi. La première phrase, c'est « Les miettes, c'est pour les pigeons ». En fait, chaque chapitre du bouquin s'ouvre par des graffitis réels qui ont existé sur les murs de Paris, de Montpellier, de Nantes d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes. Il y a eu une poésie, une colère des murs absolument incroyable. Donc la première phrase, c'est celle-là. Les miettes, c'est pour les pigeons. Paris couvert de tags, Paris massacré, retourné, cartonné, comme disent les taggeurs. On croyait les jeunes gavés de télé, abrutis par le top 50, et les voilà qui prennent les armes. Bombes et marqueurs en vendent partout. Le mode d'emploi est simple. D'abord se trouver un surnom, puis un lettrage, et enfin prendre d'assaut les trains et les murs de Paris. Ainsi, Bandeau, il tague sans relâche depuis 8 ans. Pour la RATP, c'est l'ennemi public numéro 1. Fils de bonne famille, il est devenu voyou, juste par amour des 5 lettres de son nom. B-A-N-D-O. Bandeau préfère aujourd'hui rester dans l'ombre. Et voilà, l'important c'est qu'on voit mon mur, pas moi. J'ai rien à foutre, il peut se passer n'importe quoi, je continue. Alors, dans la mesure où genre, rien que je parle au téléphone, j'ai un stylo à la main, je commence à massacrer sur des feuilles de papier partout, dès que t'as un stylo à la main, t'es obligé d'écrire. Voilà, c'est simple, c'est même pas écrire pour communiquer, c'est écrire pour le plaisir d'écrire. Voilà. C'est, en fait, les graffitis, c'est redécouvrir le plaisir d'écrire, c'est vraiment fond d'art. Mais bon, une fois qu'on commence, c'est fini, quoi. Genre, c'est plus possible d'arrêter. Vicky tournait la bague de son majeur comme un rituel. Ses doigts n'étaient pas les plus fins du monde, ni les plus beaux, mais c'étaient les siens. Des doigts experts pour décapsuler une bombe à aérosol. Vicky faisait ça d'un coup sec et calme. Le bouchon sautait et tout devenait possible. Les murs auraient la parole. La rue est à nous. Paris, debout, soulève-toi. Frisson de l'émeute et ivresse du graffiti express. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Et en plus, il est évident qu'il faut réussir pour travailler, puisque Et là, quand je le dis, je le fais pour réussir ce rêve. Or, ce rêve était à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout. C'était de projeter mon rêve à l'extérieur. Donc, je suis Mireille Paolini, éditrice au Seuil, en non-fiction. Dans le cadre David. Et c'est pas un travail directement éditorial, c'est un travail qui est difficile à définir, qui est un travail d'accompagnement, en fait, plutôt. Il est venu me voir il y a une dizaine d'années pour me proposer un livre sur Tarnac. C'était juste après l'affaire. Et j'ai tout de suite dit oui parce que c'est David. C'est-à-dire que je connaissais son travail déjà. Et puis, De journaliste, puis il avait déjà publié des livres. Il m'aurait proposé un livre sur la poésie chinoise. Je crois que j'aurais dit oui, c'était pas tant le sujet en l'occurrence que la personnalité de David. C'est un type extrêmement attachant, très drôle, qui a beaucoup de charme. Et donc ça, c'est vraiment le premier contact qui joue beaucoup dans la relation entre un auteur et un éditeur. C'est un type qui a beaucoup d'enthousiasme et qui arrive à vous... qui embarque les gens dans son aventure, en fait. C'est ça qui le... Et voilà, j'ai eu envie... Ça s'est fait très vite comme ça. Et puis, c'est un peu lointain maintenant, mais on a... Ce qui nous a toujours... On s'en rappelle tout le temps en se marrant, c'est que je crois que dans le contrat, on avait mis que le livre devait faire 300 000 signes. 350 000, qui est une taille assez standard pour ce genre de livre. Et quand tu m'as envoyé le manuscrit, il y avait 1 million de signes. Ce qui me donne effectivement envie d'écrire, c'est la musique, hein, puisque au départ, je vais faire des fanzines, et donc je vais écrire. Je vais écrire, je vais devenir ce qu'on va appeler rock critique. Et je vais découvrir, là j'ai 14 ans, hein, et donc c'est bien plus quelques années plus tard que je vais découvrir qu'en fait, aux États-Unis, un petit peu en France avec des gens comme Philippe Garnier, Bayon, le rock critique, en fait, c'est une forme de nouveau journalisme. Voilà. Lester Bangs et autres. Et donc, je vais vers là. C'est-à-dire que moi, effectivement, je viens au journalisme par la musique. Par la musique, qui est une musique que j'estime, enfin, moi qui m'intéresse quand elle est très politisée, quand elle est sociale. Voilà. Il n'y a pas d'image de violence policière. Ouais. Vicky, c'est un des personnages du roman. C'est une militante. Et je parle beaucoup de sa main parce qu'elle va la perdre. Voilà. Sa main va être arrachée devant l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc... Donc Vicky n'a pas existé. Et Vicky est un personnage composite, puisque par exemple, il y a quelqu'un qui a perdu une main devant l'Assemblée, mais c'est un garçon. Ils ont la police, on a la peau dure. Étienne Dardel, c'est le personnage principal du roman. Lui, c'est un lanceur d'alerte. Et qui passe ses nuits et ses jours à regarder des vidéos. Et il les contextualise, il les vérifie. Et puis, au début, tout le monde s'en fout. Et puis, à un moment donné, ça prend forme. Mais donc, là, c'est... Bon, en gros, Étienne Dardel, c'est mon double. Mais en mieux. Il est mieux que moi. Il est mieux que moi. Par contre, il est aussi seul. Que moi. Comment dirais-je ? En fait, quand on écrit, on comprend. Et s'intercale 6 mois où Paris et la France a connu un climat pré-insurrectionnel. Liberté, oui. Égalité, oui. Fraternité, point d'interrogation. Avec le rôle des médias, le rôle de la police, le rôle des politiques. Aujourd'hui, 795 signalements. Donc on en est à 795. Depuis ? Alors, le tout premier, bah depuis en novembre, hein, l'acte, hein, c'était quelle date ? 1er décembre. C'est ça. Le premier signalement, c'est un lycéen, c'est un gamin. Il a 16-17 ans qui se prend un LBD dans le visage. Et c'est plus tard que je comprendrai que bah, en fait, c'est probablement le père qui est en moi qui a réagi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une république qui tire sur ses enfants ? Alors, au tout début, j'ai vu passer donc, les toutes premières informations du Allo Place Beauvau avec les signalements. Et je me suis très vite rendu compte, mais vraiment très très vite rendu compte, que là, il y avait une accumulation d'informations qui était en train de se faire et qu'il fallait les conserver de manière utilisable. Je perçois qu'il va y avoir besoin de trier tout ça parce que, bon, les tweets, c'est absolument pas triable et qu'en fait, les tweets, c'est juste des supports d'informations. Au départ, je travaille seul et puis là, il y a quelque chose d'assez magique. Il y a cet esprit qui perdure quand même du web du début, de la collaboration. Donc j'ai des copains, d'anciens copains, qui très très vite, j'en ai un qui est un développeur, un codeur, qui va mettre au point une moulinette pour sauvegarder toutes les photos et les vidéos. Parce que on se rend compte assez vite qu'il y a des vidéos, des photos qui disparaissent. Je ne crois pas du tout au complot. Je crois que ce sont plutôt les gens qui postent photos et vidéos qui les retirent pour des raisons diverses et variées. C'est pas YouTube ou Facebook qui censure. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, il se trouve que parmi mes différentes casquettes, je suis informaticienne. Et donc, nous, on sauvegarde. Et entre autres choses, je suis très organisée. Et donc, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait les organiser dans une base de données. Enfin. Donc, en fait, je lui envoie un petit mail en lui disant « Si tu as besoin de quelqu'un, j'ai le temps, je peux t'aider. » Il y a Perline, que je n'avais pas vue depuis très longtemps, que j'ai connue, pareil, à l'époque de ce qu'on appelait le web indépendant, en 95-96. Et en fait, il était déjà tellement submergé par tout ça, qui m'a pas répondu. Qui va être super chieuse comme elle est, c'est-à-dire à regarder colonne par colonne, tout vérifier et tout, à faire un travail de l'ombre absolument magnifique. Et moi, j'ai continué à suivre et j'ai continué à voir que ça allait de pire en pire. Je sais très bien comment il fonctionne parce que je le connais. Je me dis, je pense qu'il l'a pas vu, il l'a pas lu. Sinon, dans le pire des cas, il m'aurait répondu « Merci, c'est pas la peine ». Et donc, je renvoie un mail. Et là, tout de suite, je reçois la réponse et il me dit « Oui, merci, j'en ai besoin. » Cette documentation, cette parole, au départ, elle vient des réseaux sociaux. Il se trouve que c'est une partie de ma vie. C'est-à-dire que depuis 1994, moi, je fais des sites web. Donc, je suis là-dedans, voilà. Mon compte Twitter, je l'ai ouvert en 2009, par exemple, vous voyez. Donc, il est vieux, il est un peu usé, d'ailleurs. Twitter, c'est un peu, notamment en France, le nouveau fil AFP des journalistes. C'est un réseau social qui est très prisé par l'homme le plus puissant du monde, Trump. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est en fait pour lui une façon de parler à tous les journalistes d'un coup. Et donc recenser les violences policières sur Twitter, sur mon fil Twitter, c'était une façon de dire. Maintenant, les gars, ça existe. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Et voilà, et c'est parti comme ça. Je vais pour vous aller chercher les informations, mais je vous les mets là. C'est comme si je les mettais en une, si vous voulez. Dégage ! Dégage ! d'autres gens, presque des correspondants, à Montpellier, à Nantes, à Toulouse, à Lille, à Paris. Comme un réseau informel de correspondants qui se met en place. Et puis, il va y avoir les street medics qui eux aussi se mettent à s'organiser en fédération, qui commencent à m'envoyer leurs rapports d'intervention. C'est des pages et des pages de gens blessés. Alors ça va de l'hématome à l'œil perdu, à la main arrachée. Et à chaque fois qu'ils m'envoient ça, ça me conforte. Parce que je me dis, moi je ne raconte qu'une petite partie de ce qui se passe. Si vous voulez, je me transforme en ONG, je me transforme en Monsieur Jourdain du lancement d'alerte, quoi. Il y en a un. C'est un, je sais pas si c'est un manifestant ou un journaliste qui est touché. Je croyais que c'était au parti génital, mais a priori là, je le retrouve pas rapidement et qui hurle au moment où il est touché, mais c'est le hurlement qu'on entend dans les salles de torture, quoi. Un cri, un hurlement d'après la douleur. C'est quelque chose, c'est un cri qui inconnu, est... inconnu, interminable. Une stridence de l'impensable. Vraiment, enfin, je ne vais même pas dire insupportable. Étienne Dardel sursauta, bien pétrifié. Insupportable. C'était un cri indéfini, un homme, une femme, difficile à savoir. Il durait l'éternité de 9 secondes avant qu'une femme en blanc ne surgisse de la droite de l'écran, enserre la victime et l'accompagne dans une course folle au pied du mur d'enceinte de l'Assemblée. La street medic criait à son tour « Cordon, cordon, cordon !» Au sol, un bras n'avait plus de main. L'image était effroyable par ce qu'elle montrait et comment elle le montrait. De façon clinique, du sang et des tendons, de la chair qui pend et une vie qu'on prend. Et les autres street medics qui se précipitent, en blanc, croix rouge sur le casque, le cordon qui se forme à nouveau, un cri, mais différent, un cri choral, 10, 20, 30 manifestants qui hurlent ensemble, d'effroi et de colère, les putes, les flics. Un hurlement et une cavalcade. De me tirer dessus. C'est pareil, hein, t'as eu le truc qui prend fou là. C'était un soir de février, avec sa pluie fine et agaçante, son froid humide et ses milliers de marcheurs qui zigzaguaient dans les bas degrés et les beaux quartiers. Il regarde, il est très loin. En quête d'une liberté prise à des ennemis pas toujours bien définis, à l'État, aux voitures, aux JT, à l'ordre établi. Dardel sentit des larmes couler. C'était sa 5e main arrachée en 2 mois. Il suffoquait, il pleurait comme un gamin, lui qui en avait 3 et la vie déjà bien entamée. Mais il s'épuisait encore et encore à visionner les images. On voit pas très clairement. Pour être sûr, pour bien comprendre l'incompréhensible. Ils sont capables de me tirer dessus, mais effectivement, il est loin, il fait rien. Ces armes de guerre envoyées sur des civils en plein Paris. Les images fusaient maintenant de partout, sous tous les angles, côté gendarme mobile, côté manifestant, en Facebook Live ou en Twitter Periscope. Il filme de très très loin. Donc quand on regarde la vidéo en même temps... Parfois grossi, ralenti, zoomé, dézoomé, avec ou sans sigle, avec ou sans floutage, avec ou sans façon. Dardel prit son clavier. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement 412. Le 3 décembre 2018, c'est le troisième acte, là au 1er décembre. Et moi, le 1er décembre, je suis pas à Paris, je suis dans le Tarn, où je présente mon bouquin sur Jacques Brel. Rien à voir. Et j'ai une petite auto. Et je vois des ronds-points. Et je m'arrête au deuxième rond-point. J'imagine qu'il l'a raconté aussi. Et en fait, on est là-bas pour des raisons personnelles et professionnelles, comme toujours. Enfin, plus exactement, je fais demi-tour. On traverse ces ronds-points. Et sur l'insistance d'Anita, qui comprend que j'ai envie d'y aller. Et je sens que David, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je demande à sa sœur. Je dis, bon, est-ce que tu pourrais retourner dans ce rond-point-là? Parce qu'il y avait un rond-point très spécifique. J'ai senti que David, ça l'a vraiment intéressé. Donc on est retourné, il est sorti, il a parlé aux gens, et il a fait des photos, il est revenu, et voilà. Donc il y a ce mouvement qui entre dans notre vie, si on veut, du quotidien. Et un jour plus tard, il va commencer il va faire son premier tweet. Et après, le samedi d'après, on va participer et voir qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà de ce que disent les médias, le peu qu'ils disent. Et quand je rentre sur les réseaux sociaux, je vois une violence policière accablante. J'allume la radio, j'entends rien. Je regarde BFM, je ne vois rien. Je regarde Libé, je ne vois rien. Le Monde, je ne vois rien. Et donc je me dis, tiens, il y a un problème là. Donc je vais faire mes premiers signalements. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Puis je pense que ça va s'arrêter. Parce que je pense que l'état de droit va à nouveau revenir, quoi. J'imaginais pas que j'allais passer mes jours et mes nuits. Les deux premiers mois, c'était vraiment mes jours et mes nuits. Je dormais 3-4 heures par nuit. C'était infernal. J'étais pas préparé. J'avais autre chose à faire, quoi. J'avais autre chose à faire. Et là-dessus, on a les déclarations de Macron, dont pour moi la plus importante et la plus grave, c'est celle où il dit que dans un état de droit, on ne peut pas parler de violence policière, que ça n'existe pas. En fait, quand il nous dit ça, quand il nous dit qu'on ne peut pas énoncer le terme violence policière, il veut nous enlever la possibilité de les dénoncer. Ce qui est important, c'est que c'est Allô Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro. Tant. Le numéro, en fait, ça va montrer la masse. Ça va montrer qu'on est passé à une industrialisation de la violence policière. C'est pour un signalement. C'est pour dire, là, je crois qu'il y a matière à enquête. Là, je crois qu'il y a vraiment un problème. À vous, la police des polices, à vous, la justice, d'enquêter là-dessus. Il ne peut pas y avoir de déni politique s'il n'y a pas de silence médiatique. Et donc, l'idée, c'est de briser ce truc-là. Mais pendant un mois, je suis tout seul. Et il va falloir attendre 200 signalements pour que la donne change, quoi. Et après, pour dormir, c'est compliqué. Ouais. Vraiment, je suis très flatté de ce prix, mais faites votre boulot. Faites votre boulot, merde. Je suis d'autant plus tout ému, là, que... Ma compagne m'a rappelé tout à l'heure dans la voiture que mon premier Allô Place Beauvau s'appelait Allô Préfecture de Police, qu'est-ce que vous faites ? Avec une petite vidéo, c'était le 1er mai et c'était Benalla. Donc les violences policières qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les centres-villes sont des violences policières qui sont en gestation depuis 20 ans dans les banlieues. Donc il serait bien que la presse travaille sur ces questions-là aussi. Et ne feigne pas de découvrir tous les jours des choses qui existent. Mais encore une fois, je suis très, très flatté de ce prix, mais faites votre boulot. Faites votre boulot, merde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, 6-7 mois plus tard, on peut quand même raisonnablement dire que l'État a fait le pari de la violence. 5 points de suture à 1 cm de l'œil gauche, 2 fractures de la pyramide nasale, une fracture au crâne, et vous précisez qu'il subira une opération. Il y a des photos de policiers qui sont en position de sniper. Ils sont cachés derrière un mur, qui visent. Je sais pas comment on dit. L'IF4 lors de l'acte 8. Et il vous arrive aussi d'apporter des précisions sur tous ces blessés. On va prendre l'exemple de Lilian, qui a 15 ans, et il est sur son lit d'hôpital. Il avait reçu un tir de LBD en plein visage à Strasbourg. Il y a ce cas emblématique, mais il n'est pas le seul, de Lilian, 15 ans, à Strasbourg, qui sort des soldes au mois de janvier d'un magasin de sport, qui n'a rien à faire, enfin, qui n'a rien à voir avec la manifestation, et qui se prend un tir de LBD dans la joue. Et 6 mois plus tard, on apprend que cet enfant veut changer d'établissement scolaire, qu'il est à la limite de la déscolarisation. Enfin, sa vie est foutue, quoi. Et continuer de relayer de nombreuses vidéos amateurs, notamment comme celle-ci. Moi, je me souviens très très bien la première fois que j'ai rencontré David Dufresne. Libération avait lancé un projet total d'un journal global qui s'appelait Libé 3. Il y avait, 150 pages tous les jours. Et nous devions y livrer un supplément de samedi. Gérard Desportes. C'était des sujets qui faisaient 40, 50 000 signes. C'était des trucs immenses. Donc moi, j'étais chargé de trouver ces sujets, de trouver les auteurs et de les publier. Et un jour, un jeune homme arrive, tout maigre, tout petit, mais déjà très très malicieux. Et il me dit, voilà, moi j'ai une idée, c'est que je vais passer 15 jours dans le métro. Donc ma première réaction, c'est de me dire, oh là là, où on va ? Mais il y met tellement d'énergie, d'optimisme, et puis il a tellement envie de le faire que j'ai envie de lui donner sa chance. Il n'a jamais rien publié, j'en parle à Marc Kravets qui trouve que c'est un peu risqué. Je le revois une deuxième fois et à ce moment-là, je pose des conditions. Et donc, par exemple, je lui dis, bon, bah ok, d'accord, mais à ce moment-là, il faut qu'on se donne des rendez-vous. Donc, il y a un rendez-vous principal. Moi, je ne vais pas te laisser comme ça 15 jours dans... C'est complètement délirant. Comment tu vas faire pour boire, manger ça ne tient pas debout, ton truc. C'est pas possible, c'est pas humain. Si, me dit-il. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent, il me raconte plein d'anecdotes. Je pense que d'ailleurs, il y en avait certaines qui étaient inventées. Je me souviens qu'il me raconte qu'il y a des femmes qui ont des enfants dans le métro. Enfin, il me raconte n'importe quoi. C'est un gars qui est un maniaque, on peut le dire, et quand il a une idée, il la poursuit. Et en fait, ça a été formidable pour moi parce qu'on ne s'est plus quitté. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que, en fait, c'est un type sérieux. C'est-à-dire que quand il a décidé de s'intéresser à un objet, il y va à fond. Et il y a assez peu de gens qui sont capables de faire ça. Par exemple, là, sur l'histoire des gilets jaunes et des violences policières, il est capable de se rendre malade. C'est grave, quoi. Moi, je me souviens quand il faisait son enquête sur lutte ouvrière. Il était lutte ouvrière. Enfin, il faut quand même le faire, s'intéresser à lutte ouvrière. Excusez-moi, mais enfin, lutte ouvrière, on était dans les années 2000. C'est... Bon. Et alors, il y mettait un cœur, mais c'était incroyable, quoi. Incroyable. De ce point de vue, il est fou. C'est-à-dire, plus rien ne compte. Donc là, le pauvre Castaner, il a pas de chance parce que il est tombé sur un authentique dingue qui va le poursuivre jusqu'au bout du truc, quoi. Et alors, toujours pareil, c'est-à-dire, à la fois, il y a un côté débonnaire, un signalement, Beauvau, etc. Bon, là, maintenant, on rigole moins. Mais le fait est qu'il aura fait bouger les lignes. C'est un vrai personnage. C'est le fanatique, quoi. Donc, heureusement, il n'a pas embrassé de causes qui, du point de vue de l'humanité, sont funestes. Mais le jour où il va devenir serial killer, David Dufresne, ça va chauffer, quoi. Il va y avoir des dégâts. J'ai tweeté cherche l'appartement le plus petit possible, le moins lumineux possible, le plus cher possible, parce que je trouvais rien. Et j'ai été repéré par le Figaro qui a retweeté mon truc. Et là, un copain de copain m'a dit, ah, il y a peut-être un appartement qui s'était bien. Ah, bref, voilà, c'est comme ça que je l'ai eu par Twitter. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Critique de la politique économique. Von Karl Marx. C'est la représentation de la couverture de Das Kapital de Karl Marx, que je n'ai jamais lu. C'est un tableau. Ce truc, je l'ai acheté dans un squat à Moscou, avec Jean-François Bizot, d'Actuel. Donc Jean-François Bizot, il m'appelait Junior, c'était horrible. Lui, je l'appelais Monsieur Valise, il avait toujours une petite valise. Et il avait décrété qu'il y aurait deux endroits dans le monde où il y aurait la révolution, c'est en Russie, à Moscou et à Mexico. Donc il avait envoyé une équipe à Moscou et une équipe à Mexico. Et un jour, nous on était donc à Moscou, et donc un jour on va visiter un squat où il y a une vente aux enchères. Et je sors un billet de $100, ce qui était considérable. Donc là, on est en 80... 13, un truc comme ça. Et voilà, et donc j'ai rapporté ce tableau de... Le fait qu'il ait été peint évidemment par un moscovite donne sa saveur. On s'en fout tes verres dans les bars. Dans les bars. Au micro, t'as la tchatche d'Alaska. D'Alaska. Le slam déchire la race de sa mère. De sa mère. Et pourtant, t'es toujours amer. Autant que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours travaillé. Au départ, j'ai commandé un émetteur de radio que j'ai essayé de souder moi-même. Là j'ai 12 ans et en fait j'arrivais juste à brouiller les télés des voisins, voilà. Mais la radio existait dans ma tête, ça s'appelait Radio Diabolo Diabolo, et j'avais même établi une grille des programmes, mais la radio n'a jamais émis. Voilà, ça c'est 12 ans, 13 ans. Ma mère a fait tous les travaux possibles et l'homme qui m'a élevé, mon père, pour moi, était brocanteur, antiquaire. C'est lui qui m'a donné le goût du travail bien fait et ouais. Du détail ou de la... Du détail. Un ébéniste qui restaure un vaisselier, par exemple. Bon, un vaisselier, c'est pas beau, mais une restauration, les petites pièces comme ça qu'il remet, c'est magnifique. Et il était marrant parce que lui, il demandait, je me souviens, un jour, il y avait un gendarme qui vient lui acheter un meuble. Et il a emmerdé le gendarme en lui disant, non, j'ai besoin de votre pièce d'identité pour être bien sûr que c'est bien vous qui faites le chèque, etc. C'est con, hein. Mais c'est drôle. C'est lui qui vous a aidé à vous installer à Paris aussi ? Absolument. C'est lui qui m'aide à m'installer à Paris. En fait... C'est un appartement qui devrait lui revenir, qui lui revient pas. On défonce la porte, c'est un 15 août 1986. Comme chacun sait, le août à Paris, il n'y a personne. Donc on défonce la porte et je vais rester dans cet appartement de manière illégale quelques années. Bon, voilà, avec un huissier qui vient de temps en temps. C'est drôle. Est-ce que vous vous souvenez De certaines années comme de 80, qu'est-ce que vous avez comme sensation à ce moment-là? Ah ben, 81, je m'en souviens très très bien, puisque ma mère m'emmène à la Bastille, on prend la voiture de Poitiers, donc voilà, il y a 3 heures de route, et j'oublierai jamais, place de la Bastille, on arrive un peu après la bataille, cet ouvrier qui lui aussi me prend... qui me prend dans ses bras, les larmes aux yeux. Et qui sera trahi 2 ans plus tard. Parce que pour lui, la gauche, c'était... Parce que la gauche, voilà, c'était la libération, c'était... Ça faisait des années et des années qu'on attendait ça, etc. Donc j'oublierai jamais cet ouvrier. J'oublierai jamais ça. Jamais. Ouais, c'est ça, ouais. J'oublierai jamais... Saint-Bernard, je travaille à Libération en 95. Gérard Desportes a l'idée de me faire chroniquer cette occupation de l'église dont tout le monde se contrefout. C'est Allô Place Beauvau, d'une autre manière. Et Gérard, qui est un fin politique, me demande d'aller faire la chronique tous les jours pour fixer les choses. Et je me souviendrai toute ma vie d'Alain Krivine et de Léon Scharzenberg. Krivine, c'était les tout débuts des téléphones portables, qui avaient posté aux portes de Paris des mails de la Ligue pour savoir quand les CRS arriveraient, et ces soirées sans fin, et notamment un soir, Léon Scharzenberg qui voulait absolument aller à Pigalle acheter des menottes avec Krivine pour s'enchaîner aux grilles de Saint-Bernard. Ah voilà, ça c'était un grand, grand moment, l'église Saint-Bernard, les sans-papiers. C'était un grand moment de sentiment de faire partie de la société, quoi. Après, après 81. Mais c'est pareil. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en fait, Jospin va gagner après Saint-Bernard. Je crois même qu'il va reconnaître que une partie de sa victoire est due à ce combat-là. Sauf que les sans-papiers seront trahis, comme cet ouvrier en 81. C'est ça le si vous voulez, l'avantage pour les gens de droite, c'est qu'ils sont pas trahis par leur camp. Les gens de gauche sont constamment trahis. C'est pour ça que c'est très difficile d'être de gauche. Vous continuez à voter, vous, aujourd'hui ? Exceptionnellement, je n'ai pas voté aux européennes. Mais aux dernières présidentielles, vous avez voté ? Oui, j'ai voté, mais je ne sais pas si je vais continuer à voter. C'est-à-dire que je trouve vraiment que la question que les Gilets jaunes ont posée sur la question de la représentativité, de la démocratie représentative, de cette idée qu'elle ne représente qu'elle-même, et que donc, il ne faut pas de leader au mouvement, parce que l'idée même de la figure du leader s'est dépassée, moi je trouve ça intéressant. Mais c'est terrible, hein, c'est terrible, parce que, voilà, c'est... Parce qu'évidemment, on sait bien à qui ça profite. C'est-à-dire que là, temporairement, ça profite aux gens qui vont voter, donc ça profite au pire, aux complices du pire, les vrais, ils sont là. Pourquoi vous dites que vous avez sûrement fait ce travail-là, David Dufresne, pour vos enfants ? Bah oui, bah parce que le monde de demain nous appartient, comme disait NTM. Parce qu'évidemment, tout se construit jour après jour. Et qu'un événement comme les Gilets jaunes, qui est un événement absolument historique, j'estime que beaucoup de gens de pouvoir, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'appareil policier, que ce soit dans le monde médiatique, j'estime que beaucoup de gens n'ont pas été à la hauteur de la situation. Et la réalité reviendra, de toute manière. Elle revient toujours. Et ce serait dégueulasse que ce soit les enfants qui payent ça. Voilà. Non, moi, je suis vraiment stupéfait, hein, par la lâcheté, quoi. Par la lâcheté du monde, par rapport à tout ça. Donc... la lâcheté du monde adulte, bah ça, c'est Brel qui me l'a appris, par exemple. Se battre, c'est le punk ou c'est le rap. Mais comment vous dire, vous voyez, l'appartement est silencieux, j'écoute assez peu de musique. En fait, je vais vous dire, le voisin du dessus, alors lui, il m'énerve, parce que tous les soirs, quand il rentre, il écoute Queen de 6h30 à 6h40, donc je suis obligé de mettre de la musique, la mienne, parce que je veux pas de la sienne. Non mais, comment on peut écouter du Rock FM ? Non mais franchement, je vous assure, il rentre, je pense qu'il doit être employé de banque ou un truc comme ça, il a une vie extrêmement réglée, et tous les jours, à la même heure, il écoute... Yet our best trained, best educated, c'est pas possible. Best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it seems to say that they would rather switch. C'était la série documentaire Force de l'ordre. Allô Place Beauvau, Dave Duf, lanceur d'alerte. Avec David Dufresne, Gérard Desportes, Mireille Paolini, Yannick Bourg, Perline, Anita Ougui. Merci à Philippe Rivière, à Domaine et au groupe Le Vieux Flingue. Merci à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signorel, la bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Marc Hervenès, mixage, Bruno Mourlan, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en manifestation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signorel. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir le dossier Plogoff, un documentaire de François Jacquemin sur les affrontements entre policiers et habitants de Plogoff autour d'un projet de centrale nucléaire. Et un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, le maintien de l'ordre à la française. Mais en attendant, restez à l'écoute.